pas mal au rythme de la fin. J'essaye de caler. Calme-toi, le batteur. Tac. Merde. Je cale le batteur. Il y a 32 mesures, là. We'll be right back. Faut que je cale un truc là, c'est mal calé, hein, putain. C'est un peu le bordel la batterie là. Alors attends, j'aimerais. Sinon, je peux trouver un autre rythme de téléphone. Hein. Pourquoi je suis pas au début là? Ah, c'est là le. Attends, je vais mettre. Merde, comment faire pour partir là? Voilà. Je mets un peu plus gros. Voilà. Je grossis. Sinon, je vais prendre un autre rythme. Non, mais pour le moment, on s'amuse bien. We'll be right back. sur le 1. Bon, hein. Ah merde putain, je suis quoi? C'est bon là, c'est carré? les autres. On est tranquille avec les guitares. que je veux, c'est être bien. Ce que je veux, la tête vers le ciel, camper. Semer de chance, c'est ce que je veux. Être les mains libres. Allez bien, y'a pas de mal à se faire du bien. Au pays si tu veux, on s'en irait. Ce que je veux, ce que je veux, c'est juste être bien au creux de toi. Ce que je veux, c'est te toucher. Ce que je veux. Tous mes sens. corps, sur ton corps, et ça sur le terrain. Encore, encore, j'abandonne mon corps à ta peur. Ce que je veux, c'est être là avec toi. Ce que je veux, c'est être bien. D'être bien. Thank you.